Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant de Samuel Girard qui est en action au cours du week-end et l'Avalanche du Colorado qui l'a emporté par la marque de 7-3 sur les Panthers de la Floride. Le défenseur natif de Robertval a joué 9 minutes 18 et a terminé la rencontre à plus 1. Maintenant, on va parler des Saguenay de Chicoutimi qui ont perdu 3-2 contre les Tigres de Victoriaville. Samedi, les Sags avaient vaincu l'Armada de Bainville-Beaubriand 6-4. Kelly Climat et Olivier Galipeau, un but, une passe, deux passes pour Jérémy Fortin de Dolbeau-Mistassini. Et vendredi, les Sags ont gagné 4-2 contre les Cataractes de Shawinigan. Un but, une passe pour Zachary Lavigne et Olivier Galipeau. On surveille également les Huskies de Rouyn-Noranda, l'attaque des Huskies qui s'est déchaînée au cours du week-end. Ils ont gagné 7-2 contre les Wildcats de Moncton et ils ont vaincu les Huskies qui ont vaincu également les Moussettes de Halifax 7-1. Les Marquis de Jonquière ont joué en fin de semaine. Ils ont gagné 5-1 sur Rivière-du-Loup. Un but, une passe pour Alex Bourin, trois passes pour Gabriel Paquin-Boudreau. Maintenant, Ligue junior régionale, deux défaites pour les Éperviers de Normandin au cours du week-end. Les Éperviers qui ont perdu 4-1 plutôt contre les Aiglons d'Alma et ont perdu 5-3 contre les Saguenay de Chicoutimi. Ligue midget régionale, défaite du Marcos Pub de Saint-Félicien, 4-2 contre les Saguenay de Chicoutimi. Les Castors de Debout qui ont subi deux revers au cours du week-end. Ils ont perdu d'abord 5-3 contre les Ambassadeurs. Trois buts de passe pour Louis-David Gagnon pour les Ambassadeurs. Et pour les Castors, une paire de buts pour Philippe Leroyer et un but de passe pour Jérémy Ossé. Deux passes pour Dylan Si dans la partie. Et dans l'autre match, défaite des Castors, toujours contre ces mêmes Ambassadeurs, 5-1. Ligue Bantam Régionale, deux défaites pour les Rapides de Debout-Mistassini. Rapides qui ont perdu 5-4 contre les Saguenay de Chicoutimi et 6-2 contre les Hurricanes de Mastouillache. Puisqu'il est question des Hurricanes, ils ont gagné 4-3 contre les Marquis de Jonquière au cours du week-end. On va parler maintenant de patinage artistique. Il y avait une compétition qui s'est déroulée en fin de semaine. C'était la compétition du Lac aux Fjords. Ça a eu lieu à Chicoutimi. Et il y avait des patineurs des clubs des Perles Bleues de Dolbeau-Mistassini qui est en action. Médaille d'or dans la catégorie Star 4 de 13 ans pour Maggie Allard. Médaille d'argent pour catégorie 5 de 13 ans pour Marie-Ange Larouche. Et également catégorie 5+, à noter de 13 ans, Émy Bergeron qui a remporté également la victoire. Ruben Argent, catégorie Star 3, Florence Richard et Amelia Saint-Pierre. Ruben Bronze, catégorie 3 pour Alice Raté. Et également des notes de félicitations pour Elisabeth Paré, Maisie Bergeron, également Amélie Courchaine, Noémie Bouchard, Émilie Tremblay et également Sakia Duchesneau. Le sport local et régional. Adam dans le sport.com. On s'en occupe.